Le prince impérial, 1856-1879. Il aurait 55 ans. Le joli enfant d'autrefois est devenu un bel homme, puis un homme encore très bien. Toujours séparé par la raie de côté, ses cheveux frissés grisonnent seulement aux tempes. La moustache est toujours fine. Les yeux bleus, si doux, les yeux de l'impératrice, s'allongent en amande sous des sourcils en accent circonflexe. Au milieu du front, une ride perpendiculaire et profonde dit, seule, les angoisses d'une âme qui a souffert. Les oreilles sont toujours épaisses et trop écartées du crâne, seule imperfection de cette charmante tête. Depuis l'année terrible, le prince a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé. Écolier assez indiscipliné jadis, sous le préceptorat d'Augustin Filon, il est devenu, aussitôt après la mort de son père, le digne héritier des Napoléons. Son goût est très vif pour l'histoire militaire. Il sait à fond toutes les campagnes des grands capitaines anciens et modernes. Il est excellent cavalier et grand fusil. En Écosse, dans les battues de Grouse, il a fait, sur les oiseaux si difficiles, d'invraisemblables doublés. Les Anglais le tiennent en grande estime sportive. Il a beaucoup voyagé. Il a été 5 fois aux Indes. Il a fait 2 fois le tour du monde. Au cours de leurs déplacements réciproques, il s'est rencontré à différentes reprises avec le duc d'Orléans, son camarade d'exil. On a causé de bonne amitié, mais chasse exclusivement. À Londres, où il a sa résidence habituelle et d'où il va souvent voir l'impératrice, il est très apprécié, très aimé. L'âme britannique, si dure pour Napoléon le Grand, est acquise à celui que beaucoup continuent encore d'appeler le petit prince. Mais le fils de Napoléon III est mélancolique. Il compare sa destinée à celle de son cousin, le duc de Reichstadt. Les analogies, en effet, sont frappantes. Tous deux ont quitté la France, très jeunes encore, à la suite d'une mission étrangère. Au moins, le duc de Reichstadt, lui, a-t-il eu la consolation de mourir jeune. Ce soir, le prince est particulièrement triste. Pour tuer le temps, il est allé passer la soirée à Greenwich avec quelques amis. On a dîné en plein air. Et en fumant un cigare, le petit prince quinquagénaire regarde les étoiles et regrette de ne pas être mort jadis au Zululand. Pour l'arracher à sa tristesse, les amis du prince le conjurent d'oublier le passé douloureux, le présent incertain, de ne songer qu'à l'avenir. Jamais, affirme-t-il, les chances de remonter sur le trône n'ont été aussi grandes. La France ne veut plus d'un essai loyal, vieux de plus de 40 ans. Elle est prête à acclamer Napoléon IV. Le petit prince hoche la tête, il sait encore se sonner de honte et se sent las d'espérer toujours.